socialiste ou républicain. Je gueule à tous ces corrompus en balançant toute leur morale dans un puant dépôt d'ordures, dans un puant dépôt d'ordures. À moi que comme un pion pour relancer l'économie ou l'élément des théories. Je défèque à la gueule d'arrêt de toutes ces absurdités qui concernent l'humanité. Démocratique, c'est que tout le monde a droit de crever.